cette course aux apparences pour lui paraît bien rance. Il n'y voit pas sa chance. Et pour la panoplie de sa Barbie, il gagne le grand prix de la connerie. Il est ouf de bouffe, mais il abandonne les bouffes. Fini le jet et le pète, il prend la peau des scopettes. Sans même s'arrêter, il snob la ligne d'arrivée. Il n'a pas peur du choix. De l'esprit.